assez petit, donc si vous voulez vous approcher, ça va être plus facile pour vous. Ouais, on peut se mettre. Ou si vous voulez vous mettre là aussi, parce que sinon je pense que vous n'allez pas voir. C'est une histoire que je vais lire en suédois. Oh non! Est-ce que vous connaissez la Suède? Non. Moi je connais. Alors la Suède est connue pour une chose, c'est là où habite le Père Noël, Alban. C'est un pays où il fait froid l'hiver, où il y a beaucoup de neige. Et en Suède, on a des animaux qui n'existent pas en France, qui s'appellent des élans. Et ce sont des grands animaux, aussi grands qu'un cheval, et ça ressemble un petit peu à un cerf. Mais c'est beaucoup plus grand, et ça vit dans les forêts. Et je vais le lire en suédois, c'est l'histoire d'une petite fille qui n'a pas de sœur et frère, et qui invite des élans à la maison. Et la fille s'appelle Gittan. Det är tyst i Gittans rum och hon är trött på det. Hon vill ha ett syskon, ett litet smart som får plats i docksängen. I garderoben och lådorna finns bara Gittans saker. Inga stora brorsor och inga små blöjor. Då kommer Nils. Han ska åka stjärtlapp på baksidan av huset. Det vill Gittan också. Min stjärtlapp går 15-18 snabbt, säger Gittan. Min går 1000, säger Nils. När de kommer fram till backen är alla Nils syskon där. Och några som Gittan inte känner. Kolla vilka hopp de har byggt, säger Nils. Det är himla mycket folk här, säger Gittan. Hon vill inte åka med de andra. Hon vill åka själv med Nils. Men framför porten sitter några älgar. Vi kan gå hem till mig, säger Gittan. Kom upp på mitt rum. Älgarna vill åka hiss och de åker upp och ner, upp och ner. En gång till, säger älgarna. Nej, nu räcker det, säger Gittan. Ni får komma in till mig nu. Gittan visar vägen till sitt rum. Här bor jag, säger hon. Torka av er de fötterna först. Och så sätter hon brorsorna mitt i legot. Nu kan vi börja leka. Brorsorna kraschar runt lite. Men de gör inte alls som man ska göra när man bygger med lego. Nej, nu vill jag rita, säger Gittan. Och ritar en jättefin teckning. Men älgbrorsorna, de bara ritar hur som helst. Och förstör kritorna. Vi kan leka med djuren istället, säger Gittan. Och tar fram sina leksaksdjur. Tjoho, här kommer spindelmannen, wow, säger älgbrorsorna. Och tjongar iväg pingvinen genom rundet. Den landar högst upp på en hylla. Där uppe har Gittan ställt sina värdaste saker. En John Blund av porslin med glitter på kanten och en taxibil som är jättegammal. Det är lugnt, ropar brorsorna. Vi klättrar upp och hämtar det. Nej, nej, nej, nej, nej, säger Gittan. Kom, kom, kom och lägg här. Men det behövs inte, för brorsorna har redan lagt sig i sängen. Vi kan ju bara sova i kojor, säger de. Men jag har ingen koja, säger Gittan. Ska vi ta lite saft istället? Gittan plockar upp en klänning och hänger upp den. Jag tror att ni behövde en liten syster, säger hon. Men det behövde ni inte, eller hur? Men det är ingen som svarar. Och när Gittan vänder sig om är brorsorna inte där. De är i badrummet. De står om och dricker vatten ur toaletten. Vad äckligt! Ni kan få vatten i glas istället, säger Gittan. Och fäller ner toalettlocket. Aldrig i livet, svarar brorsorna. Och galopperar ut ur badrummet. Hallå! Vi vill ha popcorn, säger brorsorna. De har satt på tvn fast Bolibompa inte har börjat. Man får inte, säger Gittan. Och man får i alla fall inte äta popcorn i soffan. Får man hoppa i soffan då, säger älvbrorsorna. Får man stå på hornen? Får man gå och lägga sig i smöret, svarar de. G- Gittan märker att inte hon vill ha några syskon längre. Det låter för mycket. Det här blir bara fel, säger hon. Nu ska vi nog leka ute. Men vi är inte klara med kojan, ropar de. Och Elja ska vara ute, säger Gittan. Men vi kan få åka hiss, säger Gittan. Flera gånger. Vad häftigt det blir. Det vill de gärna. De åker hissen ner och upp, upp och ner, tills brorsorna är nöjda och börjar få ont i magen. När Gittan knuffar ut dem genom porten så tumlar brorsorna ut i snön och börjar brottas. Du var en snäll liten syster, hoppar de, men vi vill nog vara ute i kylan i alla fall. Sen vänder de sig om och vinkar innan de skuttar iväg. Det är lugnt och skönt i Gittans rum. Gittan plockar upp alla älgpluppar och häller ut dem genom fönstret. Jag har ju Nils, tänker hon, och barnen på dagis. Jag behöver inga brorsor. Ikväll ska mina kusiner sova över. Hedvig, hon är jättebra på att rita hästar. Slut. Alors, pour ceux qui parlent pas suédois. Qu'est-ce que ça disait cette histoire? Vous avez compris un petit peu ou pas? Vous voulez deviner? Est-ce qu'elle était contente que les élans sont venus chez elle? Au début, elle était très contente. Elle se disait que ça va être comme des frères. Mais après, qu'est-ce qu'ils faisaient des élans? Ils buvaient dans les toilettes. Ils mettaient le désordre partout. Ils voulaient manger des pop-corn en pleine journée. Ils ne voulaient pas du tout dessiner des petits bonhommes comme elle, elle voulait. Ils cassaient tous les crayons. Hein, donc, au début, elle s'est dit, je les invite, ça va être mes frères. Et à la fin, elle était fatiguée, ils avaient tout cassé. Et en fait, elle leur a dit, c'est peut-être mieux de sortir. Et comment elle a fait pour les faire sortir? Elle les a mis dans l'ascenseur. Elle les a mis dans l'ascenseur, parce que les élans, ils aimaient bien faire des allers-retours en ascenseur. Donc, ils ont fait des allers-retours en ascenseur, et finalement, ils sont sortis. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est montée, elle a nettoyé sa chambre, il y avait de l'ego partout, mais elle s'est dit que, bon, finalement, je n'ai pas de sœur et frère, mais je vais inviter mes cousines, et ça va être mieux qu'avoir des grands élans à la maison. Et à la fin, on voit que les cousines viennent, et qu'elles passent la nuit, et c'est beaucoup plus calme qu'avoir des élans à la maison. Est-ce que vous avez des grands animaux à la maison chez vous? Non. Moi j'en ai un tout petit. T'as quoi? Un poisson. Un poisson, oui, ça prend pas beaucoup de place. Personne n'a des élans à la maison? Non. Ou des éléphants? Non. Des mais chiens? Non. Non. Notre mamie a un chien merveilleux. Est-ce qu'il y avait des mots en suédois que vous avez compris? Non. Popcorn? Vous n'avez pas compris popcorn? C'est le même mot. Hein. Est-ce que vous avez compris? Ouais. C'est le même mot. Hein. Quand c'est pas bon, on dit la même chose. Et est-ce que vous avez vu qu'ils ont fait popo partout dans sa chambre aussi? Et les élans, c'est assez drôle. Ils sont énormes, mais leurs popos sont tout petits. Donc quand on va dans la forêt, on voit, on dirait, c'est presque comme des bonbons. C'est tout rond et tout sec. C'est quoi qui est tout rond? Des popos des élans. Alors que des vaches, des éléphants, c'est très grand, mais les élans, c'est tout petit. J'ai l'air de quelqu'un. Voilà. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je voulais savoir comment on disait bonjour en suédois. Hey. Hey. Hey. Hey. Et au revoir, c'est facile, c'est hey. Ah, c'est ça. Mais bonjour, ça c'est un... Hein? Hey, c'est bonjour. Et hey do, c'est au revoir.